C'est parti. Donc, alors, bienvenue donc au premier podcast du blog du Trou de Souris. Donc voilà, je fais un podcast. C'est un peu une expérience, c'est un peu un prototype. On verra ce que ça donne. Donc aujourd'hui, on va parler de Narcisse 1 et 2. Donc je précise tout de suite, ouais, je prononce pas Narcissus parce que c'est un peu galère à prononcer. Et parce que de toute façon, la véritable prononciation japonaise c'est Narukisosu. Donc voilà, on m'excusera si je prononce différemment. Donc voilà, ce sera Narcisse. Narcisse, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est une série de visual novels, 4 en tout. Donc les 3 premiers sont gratuits et téléchargeables sur internet. Le quatrième est par contre un jeu PSP, donc forcément payant. Donc c'est une série de visual novel créée par Tomo Kataoka. Donc actuellement niveau traduction, parce que c'est un peu de ça qu'on va parler, donc des jeux qui sont disponibles dans une langue compréhensible par les Français, plus ou moins. Donc on a le premier Narcisse, qui a été traduit il y a un moment par la team Kawasoft. Mais il y a aussi Narcisse 2, qui n'est pas disponible en français, mais qui l'est par contre en anglais. Et donc, la raison de ce podcast, c'est que j'ai remarqué que pas mal de gens ont parlé du premier Narcisse quand il est sorti en français. Ça a eu l'air de faire son petit buzz. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont touché aux deux en anglais. Donc bon, c'est de l'anglais, mais c'est pas non plus inatteignable. Et donc voilà, donc le but de ce podcast, ça va être un peu d'encourager les gens à jouer aux deux. Parce que franchement, si le 1 était vraiment un excellent jeu, le 2 l'est vraiment encore plus. Et donc on va voir ça tout de suite. Donc Narcisse, pour ceux qui connaissent, ils savent que c'est un jeu qui a une réputation, qui a la réputation d'être vraiment très triste. C'est un peu l'image qu'on en a du jeu qui vous fout vraiment le moral en cafard une fois que vous l'avez terminé. Mais donc ce qui est justement à la fois drôle et ironique avec ce jeu, c'est que l'auteur, dans les notes du jeu, si vous les avez lues, il déclare que que il a eu justement donc beaucoup de réactions sur ce côté triste du jeu, mais ce n'est quelque chose qu'il n'avait en fait absolument pas voulu faire. Ce n'était pas le but. Il a écrit son histoire sans vraiment avoir en tête que ce serait spécialement triste. Donc il a été très surpris. Et là où ça devient encore plus drôle, c'est que dans les notes du second jeu, il dit donc que cette fois il a réalisé, justement en essayant d'écarter tout le côté triste, parce que c'était pas son but. Et là où c'est voilà spécialement drôle, c'est que le Narcisse 2 est, bon, c'est mon avis après, mais vraiment il est au moins 3 fois plus triste que le premier. Donc voilà, d'une certaine manière c'est assez drôle. Et donc je vais expliquer pourquoi. Alors, dans le Narcisse 1, voilà, le problème de Narcisse 1, c'est qu'on a donc deux personnages principaux, et on pourrait même presque dire deux personnages tout court, tellement les autres personnages secondaires n'ont pas la moindre importance, ou presque. Voilà, le problème de Narcisse 1, c'est que les deux personnages sont très blasés. C'est-à-dire que voilà, on a deux personnages donc, qui sont condamnés à mort par des maladies incurables, et dont la fin est relativement proche, mais ils ont assez bien accepté leur sort en fait. Parce que d'un côté, donc on a l'héroïne qui est Setsumi. Ouais, et Setsumi, si j'ose dire, elle est très tuntun. C'est-à-dire elle a une façade, elle ne montre rien, elle ne dit rien. Elle cache vraiment tous ses sentiments au narrateur. Et de son côté, le narrateur, bah, comme dans pas mal de visual novel, il est quasiment dénué de personnalité. Donc voilà, on a deux personnages qui sont, si j'ose dire, plats, plus ou moins. Bon, Setsumi moins, mais voilà, bon, Setsumi quoi, elle. À part dans une scène, elle ne lâche. D'ailleurs, qui personnellement est la seule scène que j'ai trouvée triste dans le 1 et qui m'a mis les larmes aux yeux. La quasi-totalité du temps, elle ne laisse rien transpirer, ou presque, de ce qu'elle pense ou de ce qu'elle veut. En même temps, voilà, aussi, il y a ça. C'est que, voilà, les personnages ne veulent rien. Les personnages s'enfuient et tout, mais ils ont pas vraiment de but en faisant ça, c'est juste histoire de se créer les rues un coup. partent quelque part, mais ils ont qu'une semi-motivation. Donc voilà, il y a tout ce côté des deux personnages qui sont assez blasés. Et donc la grosse différence avec le 2, c'est que c'est beaucoup moins blasé. Alors déjà, le 2, on va le dire, c'est un prélude au 1 en fait. Et cette fois, le truc, c'est que on n'incarne plus un personnage masculin sans personnalité. On incarne Setsumi. Alors là, c'est beaucoup plus intéressant. Parce que même si Setsumi, elle a encore vraiment une figure de façade, comme on est dans sa tête, bah on sait tout ce qu'elle pense. Cette fois, on est vraiment dans le personnage. On sait vraiment voilà, tout ce qu'elle veut, tout ce qu'elle pense, tous ses dilemmes, ses malaises. Voilà, cette fois, on apprend vraiment à la connaître. Et donc, elle est confrontée. Alors là, il y a aussi une différence donc, que je vais mentionner tout de suite. C'est que dans le 2, non, dans le 1, justement, on incarne donc un personnage donc, qui est condamné à mort, mais ce n'est pas le cas dans le 2. Puisque dans le prélude, donc, on incarne Setsumi à une période où elle est déjà malade, mais elle n'est pas encore diagnostiquée comme incurable. Elle est dans cette situation un peu faible, mais en même temps, elle est pas encore condamnée. Elle va être confrontée à des personnages qui, eux, le sont déjà, mais pas elle-même. Et donc c'est plus intéressant. On a donc un regard différent sur la question. Aussi, autre différence, donc c'est que les personnages du coup se questionnent beaucoup plus. Notamment la plupart des personnages que. Enfin la plupart. Bon, il n'y en a pas des masses en même temps, donc ça d'une part ça fait la plupart, mais voilà. Donc une part des personnages sont chrétiens. Et du coup, voilà, il en découle que les personnages se questionnent beaucoup. Sur voilà, pourquoi Dieu m'as-tu mis dans une telle situation? Les personnages se questionnent, ils sont pas bon voilà, je vais mourir, c'est con, c'est tant pis. Non, ils sont dans la remise en question. Aussi, il y a un certain thème qui est présent dans les deux jeux, mais qui est traité différemment dans le 2, donc qui est le thème du suicide. Donc il est moins présent dans le 2, mais à la différence, dans le second jeu. C'est un thème qui apporte une certaine tension en fait, du se suicidera, se suicidera pas. Voilà, c'est une tension qui dure pendant une bonne partie du jeu. Et je crois avoir fait le tour. Donc voilà, je pourrais encore dire des choses, mais non, voilà, je n'en dirai pas plus. Jouer aux deux, voilà, puisque c'est un peu le but de ce podcast, donc comme je l'ai déjà dit plus tôt. Voilà, jouer aux deux. Alors, il n'est disponible qu'en anglais actuellement. Apparemment, Kawasoft projette de le faire, mais ça n'a pas bougé depuis des mois. Bon, je sais pas, c'est une simple constatation. Donc voilà, alors il n'est disponible qu'en anglais, mais alors si jamais vous avez du mal avec l'anglais, je vous dis essayez quand même, c'est pas très compliqué. Et vraiment, Narcisse 2, c'est vraiment un excellent jeu. Si vous avez trouvé le 1 vraiment bien, alors jouez au 2, si vous allez adorer, vous allez kiffer votre race, si j'ose dire. Donc voilà, donc. L'idée, c'est aussi un peu de dire, n'hésitez pas à vous mettre à l'anglais, ça ouvre pas mal de portes à tous les niveaux. Voilà, et puis, bon, jouer un visual novel en anglais, c'est pas hyper compliqué. À la limite, si vous avez besoin de vous entraîner avec des mangas avant, c'est encore moins compliqué. Voilà, jouez à Narcisse 2, parce que c'est vraiment un bon jeu, et qu'il est disponible en anglais, donc dans une langue compréhensible. Je veux dire, a priori, voilà, si vous avez fait l'anglais au lycée, vous avez les bases, et avec un petit peu d'entraînement, vous saurez lire l'anglais couramment. Ça sera pas un problème. Enfin, presque. Donc voilà. Voilà. Et là s'arrête ce podcast qui est court, de toute façon que j'avais prévu comme tel. Donc voilà, donc c'était un petit test, voir si c'est plus intéressant de parler de la chose comme ça à l'oral qu'à l'écrit. Sauf que là, c'était un peu plus un encouragement qu'une analyse ou une critique autre d'un truc. Plus, voilà, jouer à Narcisse 2. Je le dis encore. Parce que c'est un excellent jeu. Et voilà, donc, voilà, faites savoir si vous voulez, si c'était plus intéressant ou pas d'avoir ce petit podcast à l'oral que quelque chose d'écrit. Et voilà. Et sur ce, voilà, s'arrête ce podcast. Cheese!